dragonflies appear. Dragonflies appear. Bienvenue à tous, vous écoutez Rage 102.5, vous nous écoutez également sur l'internet sur le rage.fr, je tiens à le préciser, chers amis, c'est l'heure d'Exocet, l'émission qui vous retourne le cerveau, l'émission dans laquelle vous allez apprendre des histoires étonnantes, des faits inexpliqués, des informations insolites, avec moi, Thomas, bonsoir. Salut Patrick. Et Mika à la technique. Salut Patrick, salut Thomas. Et salut Mika. Tout va bien, tout le monde sait. Moi j'aime beaucoup cette atmosphère, j'aime beaucoup ça. Mais en plus aujourd'hui c'est une très belle journée, je suis bien en forme et ça va être une très bonne émission. Mais sans plus attendre, on va se plonger dans l'étrange, dans l'inquiétant, il faut bien le dire, avec un cas vraiment mystérieux, le cas d'un homme dont Thomas va nous parler tout de suite. Alors cet homme c'est Jean-Claude Pantel. Alors je l'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches sur internet et effectivement c'est un cas assez troublant, je dirais même peut-être le cas le plus troublant que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors on en a discuté avec Patrick, lui aussi effectivement ça l'a beaucoup perturbé. Alors il faut savoir quand même que l'histoire de Pantel ne repose sur aucune preuve, que ce soit vidéo, photo, mais par contre est recoupée par de très nombreux témoignages, et pas des moindres, puisque que ce soit ses amis qui se comptent par paquet de 10, on va dire, que ce soit des journalistes ou tout simplement des curieux qui ont assisté à ces événements, tous s'accordent pour dire qu'ils ont vu en même temps les mêmes choses, et vous allez voir que c'est des choses très surprenantes. Faut savoir aussi parmi, par exemple, ces curieux qui ont assisté aux différentes séances, on va dire, parce que vous allez voir que c'est pas complètement des séances. Il y avait aussi de nombreux scientifiques qui étaient sceptiques à la base et qui ont assisté à ces événements et qui ont été au final convaincus de ce qu'ils ont vu. Donc voilà, je vous le répète, il y a pas de preuves. Enfin, il y a des preuves matérielles parce que vous allez voir qu'il y a des histoires d'apparition d'objets, etc. Mais il n'y a pas de preuves visuelles, il n'y a pas de vidéos ou de photos. Il y a eu des reportages qui ont été faits, mais tout repose effectivement sur des témoignages. Mais ils sont tellement nombreux et ils se recoupent tellement dans les faits qu'on est en droit de se poser la question. Et donc, je vais vous parler de ce Jean-Claude Pantel. Et déjà de comment est-ce que tout lui est arrivé, puisque ça commence en 1960. Alors il faut savoir que Jean-Claude Pantel, avant ces événements, était un homme tout à fait entre guillemets normal. C'était un père de famille, marié, sportif, fonctionnaire aux impôts. Bref, quelqu'un d'assez rangé, pas du tout porté sur l'ésotérisme. Hein, il n'a pas du tout de penchant à ce niveau-là. Donc tout commence en 1960 avec cet homme, Jean-Claude Pantel, qui habite du côté de Marseille, qui est donc un grand sportif et qui décide d'aller au stade avec des amis, histoire de taper la balle et puis de faire un petit peu de sport, de s'entretenir. Tout d'un coup, ses amis et lui entendent comme un grand coup de tonnerre ou un coup de revolver, enfin vraiment un choc très violent. Ils se retournent, ils recherchent, ils vont même aller jusqu'au vestiaire pour vérifier effectivement qu'il ne s'est rien passé dans les vestiaires. Ils découvrent absolument rien. Ils continuent un petit peu comme ça leur journée. Et sur le chemin de retour du stade, ils commencent à recevoir des cailloux. Alors c'est des pierres plus ou moins grosses qui leur tombent dessus. Alors au départ c'est vrai que la bande pense plutôt à une bande de plaisantins qui seraient cachés dans la rue, qui seraient en train de leur envoyer des projectiles, etc. Alors c'est pour ça qu'ils décident un petit peu de se séparer. Ils vont chercher derrière les voitures. Ils trouvent vraiment aucune preuve d'une agression physique faite par des êtres humains. Donc ils arrivent à la conclusion que apparemment les pierres leur tomberaient dessus du ciel, hein, comme une pluie de cailloux. On en a déjà parlé dans cette émission, c'est vrai que c'est des phénomènes qui apparemment se seraient déroulés. Donc voilà, ils sont en plein cœur de ce genre de choses. Alors ce phénomène dure pendant plusieurs mois, hein, quasiment tous les matins, quand Monsieur Pantel sort de chez lui, c'est une pluie de cailloux. Et ce dont s'aperçoivent ses amis, c'est que eux aussi en sont victimes, mais uniquement en la présence de Jean-Claude Pantel. Quand ils sont tout seuls, tout se passe pour le mieux. Alors, il faut savoir que ces phénomènes se produisent même au travail. Hein, donc, je vous le disais, il travaille aux impôts, Jean-Claude Pantel, ou en tout cas travaillait. Et donc là, ses collègues de travail, hein, c'est même plus des amis, sont témoins aussi de ces pluies de cailloux, puisque ces phénomènes, on va les qualifier de phénomènes poltergeist, se produisent également dans les locaux de travail de Jean-Claude Pantel. Donc ses amis sont témoins de phénomènes très bizarres. Donc voilà, plus de cailloux à l'intérieur des pièces, objets qui apparaissent, qui disparaissent, objets qui s'envolent. Bref, ça met une sacrée pagaille dans les locaux, une pagaille tellement énorme qu'en fait tout ce groupe, tout le bureau est séparé dans plusieurs services, parce que l'administration, forcément, devant de tels phénomènes, et quand ils rentrent dans les locaux et qu'ils s'aperçoivent que tout est à moitié saccagé, a plutôt tendance à penser que, enfin, évidemment, c'est une mauvaise farce de Jean-Claude Pantel et de ses collègues de travail qui, en gros, au lieu de bosser, s'amusent à saccager les locaux, donc ils les séparent pour essayer un peu de casser le phénomène. Et puis, on s'aperçoit très vite, en tout cas Jean-Claude Pantel s'en aperçoit très vite, que même séparé de ses anciens collègues, évidemment, les phénomènes le poursuivent, puisque c'est particulièrement lui qui est visé par ces différents phénomènes. Alors, à ce moment-là, effectivement, Pantel est assez désespéré de ce qui lui arrive, surtout que les phénomènes commencent à s'aggraver de façon assez impressionnante, notamment par exemple un soir, Pantel rentre chez lui, il est avec un ami et il se retrouve projeté au plafond pendant une vingtaine de secondes, il est maintenu en l'air. Donc ça, pareil, son ami en est témoin, il en témoigne, hein. Donc il y a des vidéos, il y a tout un reportage qui a été fait sur cet homme, donc il en témoigne. Alors voilà, ça aussi c'est quelque chose qui faut noter, c'est que quand on parle de témoins, donc moi j'ai regardé cette vidéo, c'est vrai que on a affaire à des gens qu'on ne sent pas du tout mythomane, enfin dans le sens où effectivement soit c'est des très très très bons acteurs qui arrivent à imiter des gens qui sont même intimidés de passer devant la caméra, etc., et qui ont cette espèce d'approche un petit peu l'amateur qui est filmé pour la première fois, qui sait pas trop comment se comporter devant la caméra. Donc soit c'est les meilleurs comédiens du monde et je vois pas pourquoi ils seraient pas dans des films à l'heure actuelle, soit c'est vraiment des gens de bonne foi, des témoins du quotidien qui passent devant la caméra. Donc là on voit cet homme relater les faits et on sent dans son regard et même dans ses expressions de visage que ça l'a vraiment fait flipper et qu'il a vraiment l'air sincère. Donc Pantel se retrouve par exemple projeté au plafond. Et puis d'autres phénomènes étranges commencent à apparaître, notamment par exemple des objets qui apparaissent, qui disparaissent. Alors par exemple un fait divers qui s'est produit, qui est un exemple de ces divers objets qui disparaissent. Un jour, alors on est déjà un petit peu plus tard quand c'est des curieux qui commencent à s'intéresser à son cas, alors que des curieux sont à côté de lui pour essayer d'assister à ces phénomènes paranormaux, il y a une pipe d'un des témoins qui disparaît. Et on ne la retrouve pas. La journée se continue, etc. Pantel, au bout de 3-4 heures, alors qu'ils sont géographiquement séparés du lieu de la disparition, dit « Ah, il va se passer quelque chose d'étonnant. Apparemment, la pipe apparaîtrait dans un bloc de glace. » Enfin voilà. Et il se retourne et il trouve par terre, sur le sol, comme si le bloc était tombé du ciel, ce bloc de glace qui... dans un bloc de glace avec à l'intérieur cette pipe qui serait réapparue, qui serait bien la pipe du propriétaire. Donc voilà, de nombreux phénomènes très très curieux comme ça. Donc les choses vraiment s'accélèrent très fortement. Il y a des apparitions de billes aussi. Alors quand il y a tous ces témoins, des billes métalliques qui se construisent sur le sol, puis qui s'élèvent et qui commencent à tournoyer. Enfin voilà, tout ça c'est relaté par de très nombreuses personnes, et je vous le répète encore, par des scientifiques, notamment des docteurs, etc. Et puis donc Pantel, face à ce phénomène, est un petit peu dépourvu et décide de déménager. Mais je crois que tu voulais rajouter un petit quelque chose. Juste un détail sur ce que tu disais par rapport à cette dématérialisation là de la pipe d'un des gars qui était venu pour justement assister au phénomène Pantel. Et le cas de Pantel donc dure depuis 40 ans. Et là, ouais. cette affaire s'est produite il y a quelques années seulement. Je crois que c'était en 2004. En 2004. Ouais. Des gens qui étaient venus chez Jean-Claude Pantel pour témoigner, tout simplement, pour assister à des événements inexplicables. Et donc, ça fait quand même 40 ans que ces événements donc poursuivent Jean-Claude Pantel. Donc c'est aussi important de... C'est vrai que c'est très important. Là, on est avec Jean-Claude Pantel, on n'est pas sur un phénomène qui aurait duré effectivement peut-être un an ou deux et se serait arrêté. À l'heure actuelle, les phénomènes existent toujours et les gens qui le rencontrent sont effectivement toujours témoins de choses très très très très troublantes. Donc comme je vous le disais, lévitation de billes en fer qui se matérialise. Alors par exemple, il y a un reportage qui est filmé sur sur son cas, en fait, où le caméraman est en train de filmer, on entend un bruit sourd derrière la caméra, les protagonistes se lèvent et ils découvrent, par exemple, des boîtes de conserve qui se sont matérialisées, qui ont roulé derrière un meuble, des boîtes de conserve de tomates, enfin, c'est des objets très, très, très étonnants. Il y a des pièces de monnaie aussi qu'on leur jette, il y a des clous, il y a des ampoules qui explosent, bref, des objets qui se matérialisent, qui se détruisent, c'est vraiment, effectivement, très troublant, et comme tu le dis, ça s'inscrit dans la durée, puisque ça existe toujours et que ça a commencé dans les années 60. En tout cas, là, on est quand même un tout petit peu en arrière. Donc Pentel est en est à ses débuts de son expérimentation paranormale, on va dire, puisque vous verrez que c'est pas forcément complètement ça. Et donc décide de déménager, pensant pouvoir solutionner ses problèmes en changeant le lieu de l'habitation. Et effectivement, les phénomènes cessent pendant un court moment, mais forcément, au bout de quelques jours, les phénomènes réapparaissent. Et c'est là que Pentel se retrouve vraiment convaincu qu'effectivement, c'est pas les lieux qu'il visite ou sa maison qui auraient été choisis par des entités paranormales, mais que c'est clairement lui qui est visé et qui est la cible de tous ces phénomènes. Alors vu que les phénomènes reprennent, ils décident quand même de visiter à nouveau l'ancien appartement, donc ils partent avec un de ses amis à son ancien logement, et puis arrivé sur le parking de l'immeuble, Pentel voit une forme noire se déplacer sur le sol. Il a du mal à identifier ce que c'est. Il voit cette forme s'engouffrer dans l'immeuble. Donc il sort de la voiture, il ferme la voiture, il monte dans l'immeuble. Là, les deux hommes voient cette forme noire monter dans les escaliers, arriver jusqu'à l'étage où habitait anciennement Jean-Claude Pentel. Et là, il retrouve la pièce bloquée devant un mur, sur lequel apparaît un graffiti. Sur lequel est noté précisément, enfin en fait il y a un dessin, un moteur de véhicule, alors ils savent pas identifier si c'est un moteur de voiture, de bateau ou même d'avion, voilà, ils comprennent qu'en tout cas c'est un mécanisme motorisé, et à côté est marquée la phrase « bientôt Sardou ». Alors ils sont fortement intrigués, ils se disent bon, apparemment si c'est un moteur, peut-être que Michel Sardou, ils pensent forcément Michel Sardou, va avoir un accident en voiture, quelque chose va se produire, donc ils fouillent comme ça dans la presse tous les jours voir s'il lui arrivait quelque chose, et puis 4-5 jours après, dans la presse locale, ils tombent sur un article où un certain Élisée Sardou aurait été victime sur son bateau d'un accident à cause de son moteur de bateau, voilà, donc il n'y a pas trop de détails, mais donc cet homme serait mort sur son bateau, victime de son moteur de bateau, et donc là ils font le recoupement, ils comprennent qu'évidemment le message ne parlait pas de Michel Sardou, mais de cet Élisée Sardou, en tout cas c'est la conclusion à laquelle ils arrivent, et que le moteur qui était représenté sur le graffiti était le moteur du bateau, tout simplement. Et donc ils commencent à comprendre aussi que au-delà du paranormal, les entités qui communiqueraient avec Jean-Claude Pentel auraient une vision un petit peu plus à long terme, c'est-à-dire de le convaincre lui des pouvoirs qu'ils ont, de leur capacité à prévoir l'avenir, ou en tout cas de le diriger de la façon dont ils ont envie. Et surtout que quelque part c'est pas vraiment le but des phénomènes paranormaux, ne pas vraiment lui faire peur, mais de lui mettre la pression et lui faire comprendre que en fait lui c'est juste un humain, et que s'il veut que les choses se passent bien, ils ont intérêt à l'écouter. Alors voilà, les événements après ce graffiti vont s'enchaîner de façon assez énorme. Alors là, c'est des tas de phénomènes très curieux. Alors, on est obligé de se projeter forcément un petit peu dans l'avenir avec cette histoire, parce qu'elle s'étale sur 40 ans. Mais là, par exemple, il y a quelques années, Jean-Claude Pentel recevait sur des téléphones mobiles de gens qui passaient à côté de lui des appels. Donc en général, il était avec des témoins, les téléphones sonnaient. Il y avait personne au bout de la ligne du téléphone, donc les témoins passaient leur téléphone à Jean-Claude Pentel. Jean-Claude Pentel, lui, par contre, avait un interlocuteur avec qui apparemment il pouvait dialoguer. Il avait un dialogue comme ça, et on lui délivrait des phrases énigmatiques. Par exemple, un tigre va apparaître dans le parc à 15h parce qu'il se trouve dans un parc. Et puis, donc, évidemment, on est du côté de Marseille, donc il y a peu de chances qu'un tigre passe le portail du parc. Et puis, à 15h, il voit une femme passer le portail. Au début, ils y prêtent pas trop attention. Et en fait, quand la femme a fini de passer devant eux, ils se retournent et ils s'aperçoivent qu'elle a un tatouage de tigre sur les omoplates. Donc voilà, c'est le genre d'événements qui sont comme ça assez troublants. Alors et puis tout ça, donc joint avec, comme je le disais tout à l'heure, des apparitions, disparitions d'objets, des matérialisations d'objets très curieux, des bruits, des voix, des appels téléphoniques que lui seul arrive à entendre, des projections au plafond. Enfin bref, vraiment des phénomènes poltergeist. Et vous allez voir donc au fur et à mesure que ces choses arrivent, forcément ça attire les gens, et puis ça attire surtout les enquêteurs de paranormal qui vont se pencher sur son cas. Et là Jimmy Gueux, qui est un auteur de science-fiction hein, qui est très versé sur ce genre de sujet, va décider de mener l'enquête et vous allez voir par la suite comment est-ce que les choses vont évoluer et ce que va révéler cette enquête. Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to blame. Be my friend. Hold me, wrap me up. Unfold me, I am small. Yeah. C'était Sia à l'instant sur Exocet, superbe morceau qui illustre notamment cette superbe série qui est Six Feet Under. Et donc voilà, tu es fan. Ça me fait oui, et donc en fait c'est le morceau qui clôt carrément la série et qui m'a valu beaucoup de larmes. D'ailleurs, je tiens à le dire, hein, si d'autres personnes ont vu la fin, vous comprendrez pourquoi. On retourne dans Exocet, on retourne dans l'étrange et le bizarre. Alors pour ceux qui ont raté le début, Thomas nous racontait l'histoire de Jean-Claude Pantel, cet homme qui depuis 40 ans est le centre de phénomènes inexpliqués, paranormaux. Et alors juste, moi je voudrais préciser que quand on écoute cette histoire, c'est tellement invraisemblable et tellement incroyable qu'on peut trouver le tout ridicule, hallucinant. Ah, c'est tellement clair. C'est. Mais le truc, c'est que il y a des dizaines de témoins, manifestement de bonne foi, des gens qui ont l'air très sincères et qui ont aucun intérêt à passer pour des fous. En plus, ça fait 40 ans que ça dure. Parmi les témoins, on a des avocats, on a des scientifiques, effectivement. On a des médecins, oui, c'est vrai quoi. Voilà. Parce que beaucoup de gens se sont penchés sur son cas. Et c'est vrai que, ben comme je disais tout à l'heure, enfin, donc il y a des reportages vidéo qui ont été faits, par exemple sur Jean-Claude Pantel, où on demande aux différents témoins de relater ce qu'ils ont vécu, etc. Et c'est vrai qu'on sent pas le côté acteur chez ces gens-là. On a vraiment l'impression que c'est des gens du quotidien à qui effectivement il est arrivé quelque chose. Et un peu comme quand vous parlez avec quelqu'un de votre famille, votre grand-tante ou peu importe, qui vous dit ah oui, moi j'ai vécu des trucs bizarres, machin. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille ou parmi ses relations, une connaissance qui aurait vu un ovni un soir ou des trucs comme ça. Eh ben ça donne le même effet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à mettre en cause leurs témoignages parce qu'ils ont l'air vraiment très sincères. Et effectivement, il y aurait Jean-Claude Pantel et sa femme qui témoigneraient de ça. On dirait bon, ils sont sincères, mais à mon avis, c'est les deux qui se montent un petit peu la tête. Le problème, c'est que là, c'est des dizaines et des dizaines de témoins qui racontent la même chose, que c'est des lieux différents, que c'est des collègues de travail, que c'est des amis, que c'est des médecins, des scientifiques, des gens qui sont venus enquêter, des gens qui même de bonne foi voulaient juste voir ce qui se passait. Ils passent une journée avec Jean-Claude Pantel. Il leur arrive apparemment des dizaines de trucs vraiment très curieux, des objets qui disparaissent, qui leur tombent dessus, qui tournoient. Donc vraiment, c'est... voilà, le tout repose vraiment sur cet ensemble de témoignages qui ont l'air vraiment tous plus sincères les uns que les autres et qui accréditent un petit peu le discours de Jean-Claude Pantel qui, lui, en plus de son côté, n'a pas cette approche à essayer de faire monter le truc en sauce à sa faveur, etc. Au contraire, c'est même plutôt quelqu'un de très réservé qui reste sur ses appuis et qui a même plutôt du mal à exprimer ce qui lui arrive. Donc voilà, on sent pas le charlatan qui essaie d'en rajouter, etc., pour faire monter la pression. Lui a l'air victime même d'ailleurs de ce qui lui arrive. Il a l'air vraiment très réservé. On n'a pas l'impression que c'est le genre de mec à vouloir devenir une star avec cette histoire. Et est-ce que tu vas parler des rencontres qu'il a vécues? Alors c'est là qu'on arrive à la suite du sujet. Donc voilà, plein de phénomènes arrivent à Jean-Claude Pantel. Évidemment, ça soulève les interrogations de pas mal de monde et notamment donc d'un écrivain qui s'appelle Jimmy Gueux, qui est un écrivain de science-fiction mais qui est très porté sur le paranormal, l'ésotérisme, etc., qui écrit pas mal de livres sur ce sujet-là parce que ça le passionne, les ovnis aussi. Et donc au début, comme tout le monde, il pense à du paranormal, donc des poltergeists ou des fantômes qui auraient envie de pourrir la vie de Jean-Claude Pantel, tout simplement. Mais on sait pas trop pourquoi il décide de mettre en place une séance d'hypnose sur Jean-Claude Pantel, hein, pour essayer de faire revenir à la surface des sentiments que lui-même ne connaissait pas, des souvenirs que lui-même ne connaissait pas. Et donc cette séance d'hypnose a lieu, et donc c'est une séance d'hypnose qui est filmée, hein, d'ailleurs, donc les vidéos sont visibles. Donc cette séance d'hypnose est filmée et revient à l'esprit de Jean-Claude Pantel des phénomènes très curieux de rencontres avec des personnages. Alors la première rencontre se passe à la gare Saint-Charles à Marseille, où sous hypnose, Jean-Claude Pantel dit avoir été abordé par quatre hommes d'apparence humaine, mais assez curieux, notamment un qui tient dans son bras un chat. Donc ça, c'est un personnage assez étonnant, qui lui disent que ils sont là pour lui montrer que eux ont le pouvoir, qu'ils vont pas le lâcher, ils vont le poursuivre partout, que toute sa vie ils seront derrière lui et que grosso modo ils vont le pourrir quoi. Alors lui leur dit, bah écoutez, moi, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez, je vais porter plainte à la police, croyez pas que je vais me laisser faire comme ça, etc. Et donc, dans cette scène vraiment fantasmagorique, hein, que décrit Jean-Claude Pantel, parce que, donc, il y a un dessin qui est à fait depuis son témoignage, et c'est vrai que le dessin est très curieux. Donc, il y a une pomme qui flotte dans l'air, ces personnages ont vraiment l'air très, très énigmatiques, hein, font vraiment très, très série B, on dirait V qui débarque sur Terre. Et donc, ces hommes disent à Jean-Claude Pantel, écoute, franchement, tu fais ce que tu veux, nous, on est à 3 milliards d'années-lumière de tous ces trucs-là, donc la police ne pourra rien pour toi, tes amis ne peuvent rien pour toi, on est là et on sera toujours sur tes traces et on va te poursuivre. Et puis, donc ça, c'est la première rencontre comme ça, étonnante, avec ces quatre personnages. Et apparemment, une autre rencontre se serait déroulée, donc dans une voiture, où il aurait été plus ou moins poussé de force à l'intérieur. À nouveau, il tombe sur ces quatre personnages, dont c'est lui avec le chat. Et ce personnage avec le chat lui annonce que donc la fille d'un de ces couples d'amis qui va naître, hein, parce que la femme est enceinte, et ben ils vont l'éduquer, ils vont s'en occuper, donc ils vont la prendre sous leur épaule, etc. Et là, Jean-Claude Pantel leur dit, non, mais écoutez, je pense pas que la femme de mon ami supporterait comme ça de voir sa fille disparaître, etc. Et donc, ses visiteurs lui disent, bon, mais écoute, nous, franchement, on fait ce qu'on veut, on a envie de la mettre sur la bonne voie. Et donc, à partir de maintenant, c'est nous qui allons nous occuper d'elle, et t'inquiète pas, elle, de son côté, elle sera heureuse. Alors Jean-Claude Pantel insiste très lourdement pour dire que le choc ne serait pas supporté par ses amis. Et apparemment, il aurait été entendu, puisque, alors soit il a inventé l'histoire, et auquel cas, c'est normal qu'il ne soit rien produit, puisque la fille n'a jamais été enlevée, ni quoi que ce soit. Soit il aurait été donc entendu par ses visiteurs, qui quand même, apparemment, lui aurait mis une projection un petit peu mentale de la vie qu'aurait vécu la fille, puisqu'ils auraient reconstitué comme ça une ville de Marseille. Donc, ils auraient réussi à lui projeter mentalement cette vision du monde recréé pour cette jeune fille. Donc voilà, il y a des phénomènes très très étonnants. Et donc... Parallèlement à ça, à ces rencontres quasiment du quatrième type, hein, comme si c'était des extraterrestres, les phénomènes paranormaux continuent, s'accélèrent de plus belle, donc toujours, et je le répète parce que c'est là-dessus que tout repose, toujours devant des dizaines de témoins. Alors il y a des soirées comme ça où les portes se dégondent sans même être ouvertes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à se soulever sur elles-mêmes. Alors on sait bien que c'est impossible de dégonder une porte sans qu'elle soit ouverte, hein, puisqu'elle est bloquée par le dessus de la porte. Donc voilà, elles arrivent à se dégonder comme ça, elles tournoient dans les pièces, ils entendent des voix, toujours ces phénomènes d'apparition d'objets, bref, vraiment des choses très très très troublantes auxquelles de nombreux témoins assistent. Et puis, un jour, un phénomène plus curieux se produit, c'est-à-dire que ils sont en train de passer une soirée entre amis, Jean-Claude Pantel, sa femme, et puis un ou deux couples comme ça, et puis ils entendent des voix dans le placard, de gémissements, et on sait pas trop pourquoi la femme de Jean-Claude Pantel se dit, ben, ils ont peut-être faim. Donc ils leur mettent un petit bol d'amandes dans le placard, et donc ils ouvrent le placard, ils mettent le petit bol, ils le referment, ils vont se rasseoir, et là, donc d'après tous les témoins qui sont sur place, ils auraient entendu donc les amandes se décortiquer. Ils ouvrent le placard, et évidemment donc le bol est vide, toutes les amandes décortiquées, donc ils décident de placer un verre d'eau en se disant qu'ils ont peut-être soif, et là évidemment même phénomène se produit, donc ils referment le placard, ils le rouvrent, et là le verre d'eau est vide. Donc c'est comme s'il y avait comme ça une espèce de monde qui vivait autour de Jean-Claude Pantel, comme si Jean-Claude Pantel était une espèce de moyen de communication entre le monde des humains et quasiment une autre dimension. Et c'est à ça un petit peu que l'enquête arrive en conclusion, c'est que ça serait pas forcément des phénomènes paranormaux, ça serait juste que Jean-Claude Pantel aurait comme ça la possibilité de faire un pont entre ces deux univers, entre deux mondes parallèles tout simplement, et que donc les visiteurs qui lui ont rendu visite ne seraient pas du tout sur Terre pour l'assaillir, mais qu'en fait ils auraient au départ choisi cette option pour lui faire comprendre qu'ils étaient supérieurs à lui, pour par la suite réussir à le convaincre de leur message, parce que vous allez voir que c'est là que les choses deviennent assez étonnante et quasiment mystico-religieuse, en tout cas philosophique, c'est que à partir de ce moment-là, les messagers donc que Pantel a vu à deux reprises lui auraient envoyé donc des messages, donc comme je disais quasiment religieux ou voire philosophiques sur l'avenir de l'humanité, le devenir de l'homme, notamment par exemple. Pas mal de sujets reposent sur le fait que les êtres humains seraient une espèce qui de toute façon tend à l'autodestruction. Donc c'est démontré avec plusieurs arguments, effectivement assez solides, mais ça reste de la réflexion. Et donc quelque part les messages qui sont apportés sont une espèce de religion prophétique et de guide, de manuel de bonne conduite à adopter pour pas pour éviter le clash final, mais que si tous les hommes vivaient d'après ces préceptes-là, ce côté autodestructeur de l'homme, etc., serait éradiqué. Et donc, voilà, l'enquête se termine là-dessus, et en pensant qu'effectivement Jean-Claude Pantel aurait été d'abord approché avec par ce biais-là, par ses forces paranormales, pour lui faire comprendre qu'il était face à un phénomène qu'il ne pouvait pas contrôler, pour pouvoir après lui inculquer ce nouveau savoir, parce qu'effectivement, comme il le dit lui-même, si j'avais quatre hommes, dont un avec un chat, qui avait toqué à ma porte en me disant ouais bonjour, voici ça c'est la nouvelle Bible, il aurait rigolé au nez, il aurait pas fait attention au message, alors que là effectivement tous ces phénomènes ont accrédité le fait qu'après ses visiteurs lui apportent cet ouvrage et ses différents préceptes. Mais alors justement, après cette succession d'événements abracadabrants qui se déroulent sur plusieurs décennies, tu nous parles de messages mystiques, et c'est vrai que là on se dit nécessairement que ce Jean-Claude Pantel est une sorte de gourou, une sorte de Raël qui raconte un petit peu n'importe quoi. Il est entouré d'illuminés qui sont ses adeptes, etc. Mais en fait, il a jamais essayé de fonder aucun mouvement, ce mec-là. Donc il donnait des cours de sport, il était retiré, il se contentait de noter les messages qu'il disait recevoir de ses entités, et il a jamais essayé de convertir qui que ce soit. À l'heure actuelle, voilà, donc l'enquête se termine un petit peu là-dessus. À l'heure actuelle, Jean-Claude Pantel, par exemple, est toujours donc prof de sport. Il a pas du tout, comme tu le dis, essayé de monter une secte, essayé de rallier à lui des adeptes. Lui, il a juste lu ses ouvrages, et voilà, et il dit, moi, la seule chose que je fais à mon niveau pour essayer un petit peu d'améliorer les choses, c'est que les jeunes que j'entraîne, plutôt que de leur apprendre l'esprit de compétition, faut écraser les autres, j'essaie de leur apprendre que la vie, ben, c'est surtout profiter de l'instant présent, et que ce qui est intéressant, c'est pas forcément de gagner des compétitions dans 5 ans, mais de continuer à courir dans 30, 40, 50 ans, et de se faire plaisir. Donc voilà, c'est il essaie de donner peut-être une petite guide de vie, mais ça s'arrête là, quoi. Effectivement, c'est pas du tout religieux ou sectaire. Et alors, vu que c'est probablement une des histoires les plus ahurissantes qu'on ait racontées ici, et d'autant plus qu'elle se déroule à quelques kilomètres de chez nous, ça se passe à Marseille. Ça se passe à Marseille. Moi, je tiens quand même, voilà, à rétablir un certain nombre de points. Déjà, bon, vous le savez, vous qui êtes fidèles à l'émission, on est ici des sceptiques face à des histoires bizarres et inexpliquées. On essaye d'abord de voir ce qui peut être expliqué rationnellement avant de s'en référer à des explications surnaturelles. Donc là, pour le coup, l'histoire de Jean-Claude Pantel, soit on a affaire à des dizaines de mythomanes qui s'accrochent à leurs histoires pendant 40 ans, voilà, soit il s'est passé vraiment des choses étonnantes. Et dans l'hypothèse des mythomanes, ce qui serait étonnant effectivement, c'est que vu le nombre de personnes qui participent, parfois juste sur un détail, ils disent juste, ben voilà, moi effectivement, ce jour-là, entre 13h et 14h, j'étais bien avec Jean-Claude Pantel à la sortie du supermarché, il y a bien une brique qui lui est tombée sur la tronche, et voilà, et ce gars-là, il témoigne juste sur ce truc-là, c'est quasiment quelqu'un qu'il connaît pas, pourquoi est-ce que pendant 40 ans, alors on peut se dire, bon, Jean-Claude Pantel fait un deal avec lui, il dit, bon, ben voilà, tiens, je te donne 50€, tu racontes cette histoire, mais pourquoi continuer à la raconter dans 40 ans plus tard, à maintenir les faits, enfin voilà, il y a aucune fuite de trucage ni quoi que ce soit, ou de faux témoignages qui apparaît, et les gens continuent mordicus à soutenir leurs opinions. Et alors il y a plusieurs choses aussi qu'on doit soulever, notamment Jimmy Gueux dont tu parlais, qui a fait un reportage sur Jean-Claude Pantel il y a une vingtaine d'années. Alors Jimmy Gueux, c'est une figure très controversée, c'est donc un écrivain de science-fiction qui a fait son métier du surnaturel, etc. Donc il est considéré la plupart du temps comme un original, enfin il était puisqu'il est mort il y a quelques années de ça, donc considéré comme un illuminé. Il s'était fait remarquer notamment chez Christophe de Chavannes pour avoir parlé des petits gris qui préparaient l'invasion de la Terre et qui étaient même déjà là. Donc il parlait des extraterrestres qui étaient déjà cachés dans des bases souterraines voilà, américaines, ouais, etc. Bref, c'était l'illuminé de service. Mais quand on regarde ce documentaire qu'il a fait sur Jean-Claude Pantel, ce qui est frappant déjà, c'est les témoins, encore une fois. C'est la personnalité de Jean-Claude Pantel qui a l'air d'être tout sauf un excentrique, vraiment. Alors, à moins que ce mec soit schizophrène au dernier degré avec des hallucinations, on peut pas imaginer qu'il mente, qu'il raconte des histoires. Et même si 10% de ce qu'il dit avoir vécu est réel, c'est déjà vraiment, voilà, vraiment surprenant. Ce qu'il y a, c'est que voilà, mettons, il mitonne sur même déjà, on peut même aller plus loin, il mitonnerait sur 99% des choses qui lui sont arrivées, ne serait-ce que le pourcentage qui resterait de vrai, de toute façon, est complètement hallucinant parce que c'est des phénomènes complètement bizarres. Et pour revenir un petit peu sur Jimmy Gueux, effectivement, c'est un auteur très controversé. Donc lui, effectivement, ses dires sont un peu à prendre avec des pincettes, parce que notamment d'après ses propres propos, hein, donc il a écrit des livres des livres qu'il a qualifiés de science-fiction, mais qui dans son esprit en fait étaient la vérité, c'est-à-dire qu'il les faisait passer sous le biais de la science-fiction pour éviter d'être trop décrié, ouais, qu'on se foute de sa gueule, grosso modo. Mais lui, c'est ce qu'il pensait vraiment, et donc les livres de science-fiction de Jimmy Gueux sont en fait ce que lui pense effectivement de la façon dont le monde marche. Et tu parlais des petits gris qui sont dans les bases secrètes américaines, donc là pour Jimmy Gueux, dans les années 70, de toute façon, le gouvernement américain n'avait plus aucun pouvoir, voilà, ils étaient sous la soumission des extraterrestres. On parle d'un homme qui était convaincu de la grande conspiration mondiale menée par les extraterrestres. Enfin, on parle d'un gars qui était à fond dedans aussi. Là, il était à fond dedans. Sans aucun recul par rapport à cette histoire. Mais justement, il y a quelques années de ça, donc il y a notre reportage qui a été mené sur Jean-Claude Pantel. Et les gens qui ont fait ce reportage commencent leur truc en disant, quand on nous a parlé de Jean-Claude Pantel, on nous a dit, attention, c'est Jimmy Gueux qui en a parlé le premier, donc méfiez-vous de Jimmy Gueux, c'est l'illuminé de service, etc. Et donc les gens qui sont allés en 2004, je crois, ont également assisté à ces phénomènes inexplicables. Et c'est vrai que tout se déroule comme si Pantel était une sorte de portail entre notre monde et une espèce de dimension parallèle, et tous les phénomènes paranormaux se regroupent autour de ce mec. Voilà, c'est vraiment autour de choses très étonnantes, parce que par exemple on apprend qu'avec les années il a réussi à déduire par exemple que les gens qui communiquent avec lui sont par exemple des gens qui sont absolument contre le tabac, d'où toutes ces disparitions de pipes. Et apparemment à chaque fois qu'on vient à côté de Jean-Claude Pantel avec une pipe ou des cigarettes, le paquet disparaît ou la pipe disparaît pour réapparaître. Et donc lui, il arrive à cette conclusion, il dit j'ai l'impression que ouais, c'est parce qu'ils ont quelque chose contre le tabac, etc. Donc ils essaient de faire passer des messages. Et donc comme tu dis, voilà, ce reportage en 2004, il se reproduit exactement les mêmes choses que celui avec Jimmy Gueux. Donc voilà, c'est deux enquêtes qui se recoupent, il y a toujours ces dizaines de témoins, et voilà, c'est effectivement très troublant. Alors moi, si je peux apporter une conclusion personnelle sur cette affaire, soit donc on a affaire à un cas de psychose collective, on a affaire à un homme, donc Jean-Claude Pantel, qui est tellement influent sur son entourage, voilà, qu'il a réussi à les persuader qu'il se passait des trucs bizarres autour de lui, les gens ont fini par les voir. C'est peut-être aussi je sais pas moi, un farceur ou un gars qui était très bien organisé pour faire croire à ses amis qu'il se passait des trucs. Mais encore une fois, les témoignages se comptent par dizaines. Il y a le témoignage d'un avocat notamment proche de Pantel qui a assisté à ces trucs-là. Donc soit on a vraiment affaire à une supercherie menée par Pantel, peut-être en partenariat avec tous ces gens, mais alors on se demande pourquoi, parce qu'il n'y a jamais eu aucun intérêt lucratif dans cette histoire, mis à part le bouquin qu'il a écrit au bout de plusieurs années, après justement que Jimmy Gueux ait insisté pour qu'il témoigne, qu'il le fasse, parce que lui voulait pas le faire. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'inexplicable et de très étonnant autour de ce personnage qui est toujours vivant, qui vit dans le sud-est de la France. Et donc Thomas, t'as essayé toi de rentrer en contact avec, voilà, avec alors lui. Là je suis activement en train d'essayer de trouver ses coordonnées pour rentrer en contact avec lui, pour qu'on aille mener l'enquête nous-mêmes, parce que comme tu le disais, même si 95% de ce qu'il raconte est pas vrai, ne serait-ce que moi les 5%, ça me chamboulerait complètement, en tout cas ma vision du monde. Donc j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer, j'aimerais bien pouvoir vous relater ce que nous on a vécu en allant sur place, voilà, lui le faire parler. Et ce qui serait top, ça serait qu'il puisse venir dans l'émission pour témoigner en direct, etc. Mais enfin bon, là, on s'avance peut-être beaucoup, mais déjà, ne serait-ce qu'aller sur place et pouvoir, ne serait-ce que le rencontrer et avoir son point de vue et l'analyser nous, sans passer par le biais du filtre Jimmy Gueux ou autre, ça serait déjà une bonne chose. Ah, c'est vrai que dans les studios, je crains pour le matos, personnellement, puisque apparemment tout se casse la gueule ou disparaît. En tout cas, voilà, c'est vraiment un cas très très très surprenant. Et en plus, juste pour finir, apparemment c'est une sorte de martyr du paranormal, puisque il y a d'un côté évidemment les sceptiques et les scientifiques qui n'accordent aucune sorte d'intérêt à cette histoire, hein. Pour eux c'est juste un guignol mythomane et fou. Et de l'autre, il y a les amateurs de paranormal qui l'ont mis un peu au banc de leur communauté parce que son cas est unique. Je veux dire, c'est pas classable dans quelque chose. On dirait qu'il réunit tous les phénomènes connus, phénomènes de poltergeist, phénomènes de dimensions parallèles. Enfin voilà, c'est une espèce d'aspirateur comme ça à surnaturel, ce Jean-Claude Pantel. Et peut-être même que pour les gens du paranormal, ce qui lui arrive, ça va trop loin. Ah, peut-être voilà, aussi. C'est clair qu'il est flippant. Voilà. Merci Thomas pour cette histoire vraiment vraiment troublante. On marque une deuxième pause musicale dans cette émission. On se retrouve juste après pour parler du cas du couple Hill. He said I'm gonna buy this place and burn it down. I'm gonna put it 6 feet underground. He said I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desire. Because I'm gonna buy this place and see it burn. And do back the things it did to you in return. Blame it upon a rush of blood to the head. On est toujours dans Exocet, à l'instant c'était Coldplay avec Rush of Blood to the Head. On se replonge dans l'étrange et dans le mystérieux et dans l'énigmatique. Alors si vous prenez l'émission à l'instant, Thomas nous a raconté l'histoire de Jean-Claude Pantel, donc cet homme voilà qui depuis 40 ans semble être l'épicentre d'une multitude de phénomènes paranormaux inexplicables. Il habite en plus dans le sud-est de la France, il est toujours vivant cet homme. Donc voilà, vraiment un cas surprenant. Et l'histoire dont je vais vous entretenir à présent, c'est une histoire qui a donné naissance quasiment à un classement ufologique. Parce que avant de démarrer l'histoire, je vous rappelle juste que donc Alan Hynek, qui est un scientifique spécialiste des ovnis, qui est mort maintenant, mais qui avait été embauché par l'armée dans les années 40-50 pour réussir à distinguer les phénomènes vraiment inexplicables des phénomènes météo, etc., ou astronomiques. Donc Alan Hynek avait écrit dans un livre un classement, une classification des phénomènes d'ovnis. Donc il y a la rencontre du premier type, qui est donc simplement l'observation d'un ovni, la rencontre du second type, qui est l'observation d'un ovni avec phénomène physique laissé par l'ovni, donc des traces dans le sol, etc., des radiations, la fameuse rencontre du troisième type, qui est une rencontre donc avec contact physique avec un alien, avec une entité extraterrestre, et enfin la rencontre du quatrième type, qui est un enlèvement, et le premier cas réel de rencontre du quatrième type, c'est celui des époux Hill. Alors, l'histoire démarre en 1961, alors que les deux époux Hill traversent une période de crise, puisque elle est blanche, il est noir, ça se passe en Amérique, ils vivent à Portsmouth, dans le New Hampshire. Dans les années combien ? Dans les années 60, et donc évidemment, dans l'Amérique de cette époque, c'est très très mal vu qu'une blanche soit mariée avec un noir, donc ils subissent pas mal de pression de la part de leur entourage et de la part de la société en général, ce qui fait que Barney Hill souffre d'hypertension, il a aussi un ulcère à l'estomac, probablement dû à ce stress. Donc en septembre 1961, ils vont passer quelques jours de vacances au Canada, et quand il rentre du Canada, ça se passe le 19 septembre, donc ils sont sur la route, c'est le soir, c'est 22h15, et puis tout à coup, Barney voit une lumière vive au-dessus des montagnes, une lumière vive qui se déplace très bizarrement, donc il le signale à sa femme, et donc ils sont d'accord tous les deux pour dire que c'est pas un avion, très, très clairement, manifestement, c'est pas un avion du tout. Donc le phénomène continue, à tel point que Barney décide d'arrêter la voiture. Il sort ses jumelles pour observer l'ovni, et là il voit des lumières multicolores et des rangées de fenêtres, et manifestement l'objet semble s'approcher de la voiture, et Barney finit par distinguer ce qu'il croit être des silhouettes derrière les fenêtres, donc il panique, il retourne à sa voiture, il démarre en quatrième vitesse. Et là, 55 km plus loin, les îles se réveillent, et ils oublient totalement ce qui vient de se passer durant les 2 heures qui précèdent. Donc ils sont dans un état semi-éveillé, ils savent pas très bien ce qui vient de leur arriver. Ils se sentent bizarres, ils rentrent chez eux, donc c'est l'aube quand ils rentrent à Portsmouth. Et là, en regardant l'horloge, ils prennent conscience que 2 heures viennent de s'évaporer de leur emploi du temps. Voilà les 2 heures qui séparent l'observation de ce réveil. 2 heures durant lesquelles donc il s'est passé quelque chose qu'ils ont oublié totalement. Donc là, Betty décide d'appeler la base de la force aérienne de Pise. Elle signale l'observation qu'ils ont fait donc de cet ovni au major Paul Anderson. Et le major leur confirme effectivement que leur radar a capté un ovni la nuit précédente. Donc voilà, leur observation est confirmée par le radar de la base de la force aérienne. Et puis là, après cette histoire, il y a des séquelles qui commencent à poindre, donc des cauchemars récurrents chez Betty, qui chaque nuit voit des créatures monstrueuses avec de grands yeux, des créatures qui essayent de les kidnapper, elle et son mari. Du côté de son mari Barney, donc il y a également des séquelles, puisque donc il souffre de douleurs persistantes, et il a des marques d'usure sur ses chaussures, des marques d'usure inexplicables, comme s'il avait été traîné. Donc le 21 octobre, un certain Walter Webb, qui enquête enquête pour le NICAP. Alors le NICAP, c'est une organisation, un organisme de recherche sur les ovnis à l'époque. Donc ce Walter Webb rend visite au couple et la première chose donc qui le frappe, c'est qu'ils sont incapables de dire ce qui s'est passé durant 2 heures, hein, durant ces 55 kilomètres qui séparaient donc leur réveil de l'observation. Donc déjà c'est quelque chose de frappant. Et en 1962, donc les Hill sont toujours traumatisés par cette histoire. Donc ils souffrent d'angoisse. Ça va vraiment très mal. Ils vont voir un psychiatre. Et finalement, on les dirige vers le docteur Benjamin Simon. En 1963, donc le docteur Benjamin Simon qui officie à Boston, et donc cet homme va leur proposer de suivre des séances de régression hypnotique chaque semaine pendant 7 mois, donc des séquences d'hypnose durant lesquelles le couple sera séparé. Donc on interroge d'abord Betty, ensuite Barney pour être sûr que leurs témoignages ne s'influencent pas l'un l'autre. Donc voilà, on les interroge séparément et là leurs témoignages concordent en tout point à chaque fois. Ils ne se contredisent jamais et donc sous hypnose, ce que les époux Hill racontent, c'est donc déjà ce qui donnera lieu au premier cas de rencontre du quatrième type avéré ou supposé en tout cas. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on entend un truc pareil. C'est vraiment vraiment très très étonnant, puisque donc ils expliquent sous hypnose toujours qu'en fait, lors de leur voyage de retour, la voiture s'est bien arrêtée, effectivement, puisque Barney avait décidé de s'arrêter pour observer l'OVNI de plus près. Mais en fait, l'OVNI se serait posé et les occupants de l'OVNI auraient contraint le couple Hill à pénétrer à bord du vaisseau, à bord de cet OVNI. Et là, donc, ils auraient subi chacun des expériences, des examens. On leur aurait prélevé des fragments de peau, des fragments d'organes, de cheveux. Divers instruments qu'ils ne sont pas arrivés à identifier ont été appliqués sur leur corps. Et ils ont même donné une définition de leur ravisseur. Donc ils parlent d'être très petits, avec un crâne disproportionné, de grands yeux sombres fendus, une bouche réduite à un simple trait, un nez à peine apparent. Donc en fait, ça correspond à la définition de l'alien comme on la connaît aujourd'hui, parce que c'est une image qui a été popularisée par des séries telles que X-Files et par la culture populaire. Mais à l'époque, c'est loin d'être aussi répandu dans l'inconscient collectif, cette image de l'alien. Donc là, c'est une des premières définitions type. Et donc il y a aussi un événement vraiment vraiment étrange, puisque juste avant de les relâcher, un des humanoïdes montre à Betty Hill une sorte de carte, une carte en 3 dimensions avec des lignes, des points, et Betty Hill donc pourra redessiner cette carte sous hypnose. Et donc là, ce qui est très très surprenant aussi, c'est que plus tard, des années plus tard, une certaine Marjorie Fish va réussir à interpréter la carte. Et donc en fait, cette carte correspondrait à une galaxie avec des éléments réels. Donc là aussi, encore une fois, c'est très très surprenant. Donc une carte qui correspondrait peut-être à l'endroit où se situe la planète de ces mystérieux ravisseurs. Et voilà, sous hypnose, les Hill continuent à raconter des détails vraiment troublants. Et des milliers de pages ont été consacrées à cette affaire. Des milliers de pages ont été consacrées aux différents récits que les Hill ont pu donner sous hypnose. Eux-mêmes ont écrit un livre d'ailleurs, une fois pour toutes, pour exorciser un petit peu cette affaire, pour en parler définitivement, pour vraiment raconter leur histoire. Et Barney Hill meurt le 25 février 1969, il a seulement 47 ans, donc quelques années après. Alors peut-être qu'il n'a pas survécu à ce traumatisme, en tout cas voilà, 7 ans après, donc 8 ans après l'observation, il meurt. Et Betty Hill, elle, donc vivra jusqu'en 2004, jusqu'au 17 octobre 2004, elle mourra d'un cancer des poumons, sans jamais avoir abjuré cette histoire. Sans jamais avoir dit sur son lit de mort par exemple qu'il s'agissait d'un canular orchestré par elle et son mari, jamais au grand jamais, jusqu'à la fin de ses jours. Donc elle a maintenu ce qu'elle avait observé d'une part, et ensuite donc il y a les récits sous hypnose, parce que elle, en tant que personne consciente, tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir vu une lumière qui s'est déplacée bizarrement au-dessus des montagnes, et ensuite avoir perdu 2 heures de temps comme ça, sans comprendre ce qui s'était passé. Donc tout le reste, c'était de manière inconsciente qu'elle l'a raconté. En tout cas, voilà une histoire vraiment surprenante, l'histoire la plus célèbre, la première histoire d'enlèvement par des entités, et c'est celle qui est devenue la plus célèbre. Donc le psychiatre qui les avait hypnotisés, donc le docteur Benjamin Simon, lui, pensait qu'il s'agissait d'un cas de fantasme partagé, comme si les deux époux s'étaient montés la tête et que finalement ils avaient réussi à développer une sorte d'histoire qu'ils prenaient pour vraie, alors qu'elle avait été fantasmée par tous les deux. Qu'ils étaient convaincus eux-mêmes. Voilà, quoi. Une autosuggestion commune, et puis à force d'en parler, finalement ils avaient réussi à partager des détails très similaires. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à les prendre en défaut, que leur témoignage concordait. Donc voilà, il y a ceux, évidemment, les sceptiques d'une part, qui pensent que c'est un canular. Mais un canular indépendant de leur volonté, finalement. Oui, mais bon, pour désarmer un petit peu cet aspect-là, qui peut être aussi une réalité, effectivement, le fait qu'ils se soient montés la tête, qu'ils aient réussi à mettre au point tout ça, il y a quand même le fait que la base militaire confirme quand même avoir eu un objet volant non identifié sur le radar ce soir-là, le fait que la femme soit capable de redessiner la carte d'une galaxie. Ça va plus loin que l'autosuggestion, ou alors ils ont carrément fait des recherches, etc. Ils sont tombés sur une galaxie, elle a réussi à enregistrer par cœur, de mémoire, le plan d'une galaxie. Ça me paraît étonnant. Alors, il y a différents éléments aussi qui sont importants par rapport à ce cas, notamment le fait que toutes les histoires d'enlèvement qui ont succédé à l'histoire du couple Hill se basait très largement sur les détails de leur affaire. Donc il y a beaucoup de gens ensuite qui prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres et qui, sous régression hypnotique racontaient à peu près la même histoire. Et surtout la description des gris, donc des petits gris, elle a été énormément popularisée après le cas des Hill. Donc c'est un petit peu eux finalement qui ont impulsé cette icône de culture populaire. Ensuite, on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'ils auraient pu inventer un truc pareil, puisque déjà qu'ils étaient suffisamment mal vus en société, plus donc ils faisaient exprès de passer pour des fous, ça serait du pur masochisme, donc ils avaient aucun intérêt de l'inventer. Et donc soit c'est un cas de faux souvenir, soit il s'est vraiment passé quelque chose de très étrange ce jour de 1961. On n'en saura pas plus a priori, puisqu'ils sont morts tous les deux, mais donc le couple Hill est resté dans l'histoire de l'ufologie à jamais. Voilà pour ce cas. On marque une pause musicale avant de passer aux infos insolites de la semaine. après, elle s'assiste. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Toujours sur Rage.fr, pour la suite et la fin d'Exocet, l'émission qui vous plonge dans l'étrange, le mystérieux, l'inexplicable, et on passe aux infos insolites de la semaine. Alors on démarre avec un cas de corne humaine. Alors il faut savoir déjà que la médecine connaît ce mal, on peut l'appeler comme ça, même si ça a pas l'air très douloureux pour les sujets, mais donc en tout cas connaît les cas de corne humaine depuis des siècles en fait. Donc c'est rarissime, mais ça existe. Et donc là c'est une grand-mère chinoise je me suis trompé d'histoire, parce que j'ai deux histoires à base de grand-mère chinoise, mais je vais quand même finir sur celle de la corne. Voilà, c'est rare que ça arrive, mais là c'est arrivé. Donc, elle a cette corne qui lui pousse sur le front, et au début, c'était un grain de beauté qui a grossi, et puis ça a commencé comme ça à prendre du volume, et c'est devenu une corne qui ressemble un peu à la queue d'une courge. Alors cette femme a 95 ans, elle s'appelle Zhao, et elle dit que ça va, hein, finalement ça lui fait pas mal. Alors bon, ça lui obstrue quelque peu son champ de vision, parce que ça passe carrément devant les yeux. D'accord. Et c'est très impressionnant, mais encore une fois, voilà, c'est relativement long, disons que ça doit faire dans les 5 ou 6 centimètres quand même. Pour dormir, ça doit être chiant. Surtout si elle dort sur le front, en tout cas. Ouais. Et voilà, donc on connaît ces cas, il y a beaucoup de photos, on sait que ça existe, hein, c'est pas des conneries, c'est pas des supercheries. Et c'est très impressionnant. Mais c'est de la corne dure comme de la corne animale. Alors, c'est pas de la corne animale, en fait, on pense que c'est une sorte de tumeur osseuse qui prend la forme d'une corne, comme ça, voilà, c'est très... D'accord. Très très surprenant, très impressionnant. Alors je retourne à mon autre histoire de grand-mère chinoise, qui, vous allez le voir, est au moins aussi hallucinante. Donc c'est arrivé en début de semaine, et d'ailleurs j'en avais parlé dans la grande case, pour ceux qui écoutent la grande case, de 17h à 19h. Donc c'est une grand-mère chinoise qui souffrait de maux de tête persistants et assez intenses. Et en fait ça faisait 64 ans qu'elle souffrait de maux de tête, cette femme. Elle s'appelle Jin Guangguing, elle a 77 ans, et elle a compris que si elle avait aussi mal à la tête, c'est tout simplement parce qu'elle avait une balle logée dans la tête depuis 64 ans. Elle l'a su, elle l'a appris en allant passer des rayons X. Et donc c'est là qu'elle a appris qu'elle avait cette balle. Donc elle a réalisé ensuite que pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon envahissait sa province, elle avait apporté des ravitaillements à son père, et alors qu'elle courait, elle s'est pris une balle, mais la balle, avant de la toucher, avant de lui rentrer dans l'oreille, elle avait traversé le bras d'un homme, qui était donc entre le tireur et la petite fille de l'époque, et du coup ça a ralenti la balle, qui a pu pénétrer à l'intérieur du crâne, mais donc sans la tuer, et elle s'est logée dans un endroit qui n'était pas vital, ce qui fait qu'elle a survécu. Donc les chirurgiens parlent d'un miracle, évidemment. Alors il y a quelques semaines de ça, on avait parlé d'un homme pareil, et il me semble que c'était un chinois qui avait reçu une balle qui s'était logée derrière le cœur, et il avait survécu comme ça des années avec une douleur une douleur au thorax, et donc il a survécu. Donc là c'est peut-être encore plus incroyable, une balle dans la tête et survivre, je sais même pas s'il y a un précédent. Je sais qu'il y a eu des cas de couteaux, d'armes blanches, donc qui ont été enfoncés à l'intérieur de crânes de certaines victimes qui ont survécu parce que ça passait justement entre les zones critiques. Donc là, une balle, c'est juste incroyable. Bravo à vous, chère mamie chinoise, donc chère Jin Guangguing, c'est bien joué. En même temps, je sais pas si elle a visé exprès. Hein. Oui, non, je pense pas non plus. On passe à une histoire qui s'est passée en Amérique. Deux garçons âgés de 11 et 14 ans, vous allez voir que c'est assez désespérant en ce qui concerne la jeunesse de ce pays. Hein. Vous avez tous vu cette semaine le port d'armes qui a été accordé à ce nourrisson de 10 mois. T'as vu cette affaire? Ah, non. Ahurissant, ils en ont parlé au journal, donc je sais plus dans quel état, c'est sûrement au Texas, mais je n'en suis pas sûr. Donc ce nourrisson de 10 mois qui a obtenu son port d'armes, c'est son père qui l'a demandé pour lui. Donc c'est ahurissant, apparemment ils ont pas retenu la leçon de Virginia Tech. Je sais pas combien de massacres il leur faudra pour comprendre qu'il faut arrêter de donner des armes comme ça à n'importe qui sur commande. Voilà, bon bref, donc ça c'était une aparté. Vous allez voir qu'apparemment c'est pas terminé. Donc deux garçons âgés de 11 et 14 ans qui ont été arrêtés dans le Kansas pour avoir commis un hold-up avec un pistolet à eau. Ah voilà, ça ils sont civilisés. Alors bon, vous me direz effectivement, là même chez nous ça aurait pu arriver, hein, puisque des pistolets à eau on en a. Mais ils avaient déguisé leur jouet avec du scotch noir. hein, pour que ça ressemble à un vrai flingue, parce que donc il était quand même violet, hein, le pistolet oui, original. Violet transparent, j'imagine. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le plus vieux donc menaçait le vendeur, le commerçant, tandis que le plus petit rentrait toute la monnaie de la caisse dans un sac. Ça semble incroyable. On parle de deux gamins de 11 et 14 c'est ans. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Donc ils se sont enfuis, mais leur échappée n'a pas duré très longtemps, puisque 5 minutes plus tard, la police les a arrêtés. Donc pour l'instant, ils sont détenus dans un centre pour enfants difficiles. J'espère qu'ils vont se calmer, parce que sinon ça augure d'un futur assez sombre pour ces deux garçons là 11 et 14 ans. Mais alors, vous allez voir que l'Amérique n'a pas le monopole de ce type de cas, puisque en Allemagne, donc là cette semaine, c'est un jeune garçon de 18 ans qui s'appelle Marcel qui a commis un hold-up. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est sa mère, puisque donc sa mère, qui s'appelle Daniela Langer et qui est âgée de 36 ans, elle a aidé son fils. Mais vous allez voir pourquoi elle a aidé, parce qu'elle craignait qu'il lui arrive quelque chose lors du hold-up. Alors en fait, son fils lui a parlé de son projet, lui a dit qu'il prévoyait de braquer un magasin. Et donc sa mère, comme une bonne maman qu'elle est, ouais, au lieu de lui dire mais qu'est-ce que tu fais un braquage petit con, tiens, voilà, tu vas t'en manger une, va dans ta chambre, exactement, comme une sorte de Mad Dalton, au lieu de blâmer son fils, comme elle a vu qu'il mènerait son projet à bout, elle s'est dit je vais l'accompagner, je serai avec lui histoire de voir comment ça se passe. Donc elle l'a conduit sur les lieux du délit. Alors son fils est accompagné de complices. Ils sont rentrés dans une boutique et ils ont volé pour 25 000 livres de bijoux. Et donc la mère était là pour faire le guet, en fait, hein, très clairement. Donc non seulement elle y est allée, elle, pour se rassurer elle-même, pour être sûre qu'il se passe rien de mauvais pour son petit, mais en plus elle a fait le guet, puisque son fils lui a demandé, lui amène de la corde, t'amène du Chatterton pour coller les mains des ceux qui poseront problème. Ouais, des gardes, des machins. Et donc elle l'a fait, et en même temps, donc ça lui permettait de se rassurer. Enfin, c'est absolument incroyable cette affaire, mais en même temps c'est touchant, vraiment, voir l'amour d'une mère, jusqu'où ça peut aller. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même lui retirer ses enfants. Oui, il y a un petit problème psychologique chez cette maman. Je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a tout à refaire. Alors, ensuite, nous avons un homme donc qui a acheté une maison en Espagne, et donc cet homme s'appelle Jordi Guiro. La maison qu'il a achetée se trouve sur la Costa Brava, à Rosas exactement, donc c'est pas loin de la frontière espagnole pour ceux qui passent des vacances en Espagne. Et donc il a eu une maison aux enchères après que le locataire n'est pas honoré ses paiements, et que le propriétaire n'est pas honoré son crédit, en fait, voilà, comme ça on met les choses à plat. Donc comme il ne payait pas son crédit, finalement la maison a été mise aux enchères. Il a racheté la maison, et quand il est rentré dans la maison, qu'il n'avait pas vu, hein, il l'a acheté sans la voir, ça va vous rappeler une histoire qu'on a racontée la semaine dernière. Donc il a trouvé le corps du propriétaire assis sur le sofa, momifié. Donc la semaine dernière, on avait une femme agent immobilier, ouais, qui fait visiter un jeune couple, et donc il trouve le cadavre de l'ancienne propriétaire sur son lit, et là donc le corps était assis sur le sofa, momifié. Alors apparemment, après enquête, l'ancienne propriétaire qui s'appelait Madame Zamora, elle est morte de cause naturelle. Elle aurait été momifiée, préservée à cause de l'air très riche en sel de la côte. Et ben voilà. Mais donc elle paye pas son crédit, il y a pas un gars de la banque qui est passé un jour, parce qu'ils sont forcément passés, à essayer de sonner, lui donner des recommandés, machin. Elle a dû recevoir des tonnes de recommandés, de trucs comme ça, il y a pas quelqu'un qui s'inquiétait que jamais elle ouvre la porte. Justement, c'est très surprenant. C'est clair qu'elle a dû recevoir des demandes de paiement insistantes. Elle s'en est jamais acquittée, donc les gens ont décidé de mettre sa maison aux enchères sans lui demander son avis. Sans même vérifier l'état de la maison. Ça veut dire qu'ils vendent les maisons sans même savoir ce que vaut la maison, ce que... Manifestement, et en plus, donc, personne de sa famille, parce que cette femme avait quand même une famille, elle avait un ancien mari, personne n'a demandé de nouvelles d'elle pendant toutes ces années, parce qu'elle est morte en 2001. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est ça le détail qui tue. Avant d'être momifiée, elle est morte en 2001. Bien. Donc voilà, personne n'a rien demandé. C'est vraiment très très mystérieux. Apparemment, en Espagne, on peut comme ça vendre une maison aux enchères sans aller la visiter auparavant. Bon. En tout cas, c'est la BBC qui le rapporte, donc c'est quand même pas n'importe qui. Pour ça que je me permets de la raconter, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et enfin, une petite dernière, une bonne nouvelle pour finir la semaine. J'aime bien quand je peux raconter une belle histoire. J'aime bien la loger en dernier, histoire de donner une petite note d'espoir à nos chers auditeurs. C'est un Slovène qui est tombé du 12e étage de son immeuble, et il atterrit sur une Smart, donc la petite voiture, la Smart, 40 mètres plus bas. Alors ce garçon s'appelle Darko Mirinovic, il a 25 ans, donc il s'est quand même cassé les jambes, les bras et les côtes, mais il est vivant. Il est donc soigné dans un hôpital actuellement, et les gens disent que c'est absolument incroyable qu'il ait survécu. Et alors ce qui est drôle, c'est que la propriétaire de la voiture, qui s'appelle Zazo Jovanovic, dit que sa voiture est ruinée. Bon, mais qu'en même temps, elle a sauvé la vie d'une personne, donc ça compense un petit peu la perte. Voilà, c'était la très très belle nouvelle de la semaine pour conclure les infos insolites. Et pour conclure cette émission, je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Rage, juste après ces bruits de scène, la musique live sur Rage. Restez sur le 102.5 et passez une bonne soirée. Bisous, bye bye. Salut à tous. Elle est bizarre.